Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer l'émission un peu avec du Franz Xaver Richter. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un compositeur qui était né en Moravie, c'est-à-dire c'est l'actuelle République slovaque. Et il est né en 1709, mort en 1789. Il est connu comme ayant été un théoricien de la musique. D'ailleurs, il a été l'élève de Fuchs qui a écrit un traité qui était essentiel, Gradum et Parnassum. Et puis, donc, Richter a été longtemps en poste à Strasbourg. On va écouter un quatuor à cordes de ce compositeur, Franz Xaver Richter, et j'ai choisi l'opus 5, numéro 5 de sa série de quatuor à cordes, une série de 7 quatuors à cordes. Et nous allons écouter le deuxième mouvement, Allegro Spiritoso, avec le quatuor Casal. Thank you. Un extrait du deuxième quatuor opus 5 de Franz Xaver Richter, extrait des 7 quatuors à cordes opus 5 par le quatuor Casal. Moi, je trouve ça très beau, hein, vraiment intéressant. Une musique dont peut-être Haydn s'est d'ailleurs inspiré pour ses propres quatuors à cordes. Partons à l'opéra maintenant avec Rachmaninoff. Alors Rachmaninoff, il n'est pas vraiment associé à l'opéra, plutôt au piano et au concerto pour piano, mais il a composé quand même 3 opéras très courts, des opéras qui sont des œuvres de jeunesse d'ailleurs. Alors à l'écho, ce qu'on va écouter, tout au moins un extrait, eh bien c'est un opéra qu'il a composé à 20 ans. C'est une épreuve en fait du conservatoire de Saint-Pétersbourg parce qu'il fallait composer un opéra d'après donc ce texte de Pouchkine, d'un texte de Pouchkine, et les candidats avaient tous le même sujet. Évidemment, seule la partition de Rachmaninoff a survécu et il s'était fait remarquer grâce à cet ouvrage remarquable qui dure à peu près une heure. Tchaïkovski avait été tout à fait enthousiaste et cet élève de Rimsky-Korsakov donc déjà maîtrisait complètement l'orchestre. Alors on va écouter un extrait de cet opéra à l'écho. Alors j'ai choisi la danse des hommes, extrait de cet opéra. On va l'écouter interprété par l'orchestre philharmonique de Donetsk que dirige Roman Kaufmann. Thank you. Un extrait de l'opéra À l'écho, opéra de Sergueï Rachmaninov, La danse des hommes avec l'orchestre philharmonique de Donetsk, direction Roman Kaufman. Très très jolie partition que cet opéra méconnu, je trouve, de Rachmaninov. On va passer à notre rubrique des pianistes du XXe siècle, des grands pianistes du XXe siècle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Alexis Weissenberg, né en 1929 à Sofia, en Bulgarie. Il commence l'étude du piano dès ses 3 ans. À 8 ans, il donne son premier concert en Turquie, en Égypte, ses premiers concerts en Palestine, en Afrique du Sud. Et en 1946-47, il travaille à New York, à la Juilliard School. Et il reçoit d'ailleurs à cette occasion quelques conseils du grand Arthur Schnabel. En 1947, il est lauréat du concours international Léventrit. Il fait ses débuts au fameux Carnegie Hall de New York, qui impressionne évidemment tous les artistes, dans un concerto dirigé par Georges Zell avec l'orchestre de Philadelphie. Et puis, sa carrière internationale le mène un peu partout dans le monde, en Amérique centrale, en Israël, en Afrique, aux États-Unis, bien sûr, et puis en Europe. En 1956, il s'installe en France et il va être l'un des invités réguliers de cette émission fameuse des années 70, qui était Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Et à cette occasion, souvent, il était invité en même temps qu'Herbert von Karajan. Alors, il n'a pas laissé beaucoup d'enregistrements avec Karajan, notre Weissenberg, notre Alexis Weissenberg, mais il a quand même réalisé une intégrale des concertos pour piano de Beethoven qui, en son temps, n'avait pas été très très bien reçu. Moi, à chaque fois que j'ai écouté cette intégrale, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de richesse dans l'interprétation, mais visiblement, à l'époque, les critiques ne l'ont pas perçue. Aujourd'hui, ça a quand même été un peu réhabilité. Elle a été réhabilitée, cette intégrale. Hein. C'était pour le label EMI. Eh bien, on va en écouter un extrait. J'ai choisi le deuxième concerto pour piano, qui est en fait le premier, mais imprimé après l'officiel premier, ce qui fait qu'il est devenu le deuxième. Je ne sais pas si je suis très clair, hein, mais enfin bon. Donc, un concerto pour piano qui est encore sous l'influence de Mozart. Beethoven, dit-on, n'aimait pas beaucoup ce concerto. Ça a un petit peu d'ailleurs desservi l'intérêt que les interprètes pouvaient lui porter. Mais évidemment, tous les grands pianistes l'ont enregistré. Voici le final de ce deuxième concerto pour piano de Beethoven avec Alexis Weissenberg en soliste et l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Thank you. finale du deuxième concerto pour piano de Beethoven avec Alexis Weissenberg en soliste, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan. Allez, je vous emmène à Venise. Bah, j'ai une belle photo de Venise sous les yeux parce que le disque que je vais vous passer maintenant est orné d'une très très belle photo de Venise. Et on va aller à la rencontre, bien sûr, d'Antonio Vivaldi, parce que quand on parle de la musique à Venise, on pense tout de suite à Vivaldi, et c'est bien normal. Vivaldi, vous le savez, il était surnommé le prêtre roux en raison de sa chevelure, et puis en raison, bien sûr, de son état d'ecclésiastique. Est-ce que c'était vraiment une vocation chez lui? Vraiment, on peut en douter. Mais il est vrai qu'à l'époque de Vivaldi, être dans les ordres, c'était avoir un statut. Déjà, on mangeait à sa faim, et puis on avait quand même une certaine reconnaissance. On était quelqu'un dans la société. Donc c'est probablement pour cette raison qu'il a accepté d'entrer dans les ordres. Et cet état d'ecclésiastique, finalement, eh bien, il s'en est pas tellement occupé, parce qu'il était très occupé plutôt par la composition. Il a très peu donné la messe, et il prétextait qu'il avait une maladie de poitrine. On pense que c'est de l'asthme, d'ailleurs. Et donc, ça l'empêchait, évidemment, de faire la messe. Mais enfin, bon, ça l'empêchait pas de donner des concerts à côté. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, il n'a pas eu de gros problèmes avec les autorités ecclésiastiques en raison de sa composition d'opéra, qui était quand même un domaine qui était plutôt pas très apprécié des autorités religieuses, en raison, bien évidemment, du côté un petit peu déjanté de l'opéra. On va écouter un extrait d'une œuvre sacrée de Vivaldi. J'ai choisi le Dixit Dominus. Et on écoute donc quelques extraits de cette œuvre. Quelques passages du Dixit Dominus, Rium 807 de Vivaldi. On a entendu la voix du ténor Julian Podger, et puis l'ensemble Musica Fiata, la Cappella Ducale, tous dirigés par Roland Wilson. Un peu de Brahms maintenant, concerto pour violon. Alors il y a quatre grands concertos qui sont fréquemment joués, enregistrés par les grands violonistes. C'est celui de Beethoven, celui de Tchaïkovski, celui de Sibelius et celui de Brahms. Pourtant, Brahms n'était pas violoniste, il a bénéficié des conseils de son ami Joseph Joachim, qui était l'un des plus grand violoniste de son temps, qu'il a aidé pour la partie technique. Ceci dit, l'œuvre est tout de même, bien évidemment, de Brahms lui-même. Créée en 1879 avec Joachim au violon, l'orchestre dirigé par Brahms, mais l'orchestre mal préparé, bon, il n'y avait pas eu assez de répétitions, surtout sur le premier mouvement, ça n'a pas vraiment convaincu, hein. Mais l'œuvre s'est quand même assez rapidement imposée. Alors par la suite, Brahms va se brouiller avec Joachim pour des histoires, parce que Joachim a des histoires familiales en quelque sorte. Joachim avait quitté sa femme et Brahms n'acceptait pas cette situation. Enfin bref, il lui en a voulu. Ils se sont réconciliés un peu plus tard. Mais Joachim a eu énormément d'importance dans la vie de Brahms. On va écouter le final, qui est une danse hongroise en quelque sorte, de ce concerto. J'ai choisi l'une des versions que je préfère, celle de Pinchas Zukerman, en soliste avec l'orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim. C'est un enregistrement qui date de la fin des années 70 pour Deutsche Grammophon. Discothèque classique, votre rendez-vous classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet, c'était bien sûr un extrait du célébrissime concerto pour violon de Johannes Brahms, le final, avec Pinchas Zukerman en soliste, l'orchestre de Paris, direction Daniel Barenboim. Et on continue avec du Debussy. Debussy et ses nocturnes, trois nocturnes. Nuages, fêtes, sirènes, très différents les uns des autres. Et c'est vrai que Debussy n'a pas composé de concerto ni de symphonie, mais des triptyques. La mer, bien sûr, plus célèbre. Mais justement, ben là, la mer, il va en être question avec les sirènes. Et c'est une œuvre, cette pièce, Les sirènes, qui a été inspirée par les tableaux de Whistler, que Debussy avait vu dans l'atelier d'Odilon Redon. Et c'est une mer crépusculaire qu'il nous décrit, hantée donc par les voix de 8 femmes, 8 altos, 8 mezzo. Et on peut dire que bah, c'est le chant de l'océan avant la tempête, en quelque sorte. Hein. On va écouter cet extrait des Nocturnes de Claude Debussy, Sirène, interprété par le chœur de femmes du Collegium Musicum d'Amsterdam, le Concertgebouw d'Amsterdam, et tous dirigés par Bernard Haitink. Thank you. C'est un extrait des Sirènes de Claude Debussy, troisième nocturne avec le chœur Collegium Musicum d'Amsterdam, le chœur de femmes, et puis l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink. Et on va retrouver Alexis Weissenberg. Alexis Weissenberg, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a passé le deuxième concerto pour piano de Beethoven. Là, on va le retrouver dans Scarlatti. Et c'est pas étonnant finalement que Alexis Weissenberg ait souvent joué les sonates de Scarlatti, qui, rappelons-le, sont des sonates très très courtes. Il en a composé 555 sonates de Scarlatti. Hein. Et il est vrai qu'à la fin des années 40, Weissenberg, aux États-Unis, avait rencontré la grande Wanda Landowska, qui avait en quelque sorte remis le clavecin au goût du jour, parce qu'on jouait plus tellement du clavecin au début du XXe siècle. Et elle s'était passionnée pour cet instrument. C'était une très, très grande claveciniste. Et il a bénéficié de cette rencontre, en particulier pour les interprétations baroques, qu'il s'agisse de Bach, qu'il a beaucoup joué, ou de Domenico Scarlatti. Donc un compositeur qu'il a très très souvent servi avec bonheur. Il avait enregistré tout un programme pour Deutsche Grammophon de sonates de Scarlatti. Et extrait de ce joli disque, j'ai eu envie de passer la sonate Kirkpatrick 107. Nous l'écoutons par Alexis Weissenberg, qui nous a quittés en 2012. Il était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui fait que depuis longtemps, il ne donnait plus malheureusement de récital. Thank you. Sonate de Domenico Scarlatti, sonate Kirkpatrick 107, jouée par Alexis Weissenberg. Alors, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, peut-être vous souvenez-vous que j'ai passé l'ouverture de La Force du Destin de Giuseppe Verdi. Alors, c'est un opéra qui a été créé, je vais le redire, parce que c'est le seul, pour Saint-Pétersbourg en 1862. C'est une commande du Théâtre impérial et le tsar a décoré Verdi pour cet ouvrage qui a été absolument remarquable. Mais Verdi n'était pas content. Il n'était pas content de cette première russe, en quelque sorte. Et il a révisé l'œuvre pour changer la fin, déjà, et pour en modifier quelques passages. Alors, c'est l'histoire de Leonora qui veut s'enfuir avec son amant Don Alvaro. Mais le père de la jeune fille découvre leur projet et le jeune homme, donc l'amant, tue accidentellement le père. Et donc, les amants sont séparés et poursuivis sans relâche par Don Carlo, l'implacable frère de Leonora, et tous trois finiront par trouver la mort, tout au moins dans la première version de l'opéra. On va écouter un air très célèbre, le seul air vraiment très célèbre d'ailleurs de cet ouvrage de Verdi essentiel, parce qu'il faut vraiment le connaître, c'est un drame absolument fantastique. C'est Pace Pace, l'air de Leonora que nous allons écouter chanté par Renata Tebaldi, la grande Tebaldi. L'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome est dirigé par Francesco Molinari Pradelli. Thank you. Malédiction, malédiction, ah oui, c'est le thème finalement de cette force du destin de Verdi, l'air fameux Pace, Pace, chanté par la grande Renata Tebaldi, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, direction Francesco Molinari Pradelli. On va terminer l'émission avec Prokofiev, son troisième concerto pour piano, naturellement que l'on va écouter joué par Alexis Weissenberg. C'est une partition que Prokofiev a terminée en 1921 alors qu'il séjournait en Bretagne. Il a repris quelques matériaux antérieurs et il en a fait ce concerto qui est vraiment, des cinq concertos qu'il a laissés, le plus célèbre, le plus apprécié et le plus joué certainement par les pianistes. On va en écouter le début, donc Alexis Weissenberg bien sûr au piano, l'Orchestre de Paris, direction Seiji Ozawa. un large extrait du premier mouvement du troisième concerto pour piano de Prokofiev avec Alexis Weissenberg, l'Orchestre de Paris, direction Seiji Ozawa. C'est terminé pour ce week-end. On se retrouve bien sûr samedi et dimanche prochain à 11h pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Portez-vous bien, excellent dimanche et à la semaine prochaine.